Mouvement, mouvement. Le suspect appelle dans 92. Oh, allô. Salut, Eliem. Ouais, Alibi. J'ai 200 téléphones à te proposer. Ouais. J'aimerais qu'on en parle. Vas-y, hein. Donc, viens, on se voit au point de rendez-vous, là, comme d'habitude. Bah, vas-y, on se capte à l'heure ou quoi? On se motive. Allez. Faut démarrer la filature. On y croit. Il faut du flag, on les loupe pas. On va les avoir, ok? Gérard, prépare le sous-marin, tu te mettras en face de la cabine. Le dispositif est en place. Salam alaikum alibi. L.I.M. bien ou bien? Explique-moi le business bizarre, billet combien de plaquettes tu veux pour une palette de 200 Samsung? Je veux les mêmes Mendin John. T'inquiète, moi j'ai le seum dans le riff. Et si tu veux ta com, t'en auras plus chef. Tu sais ce qui ne s'arrive dans ce biz, chef. En temps de crise, ça pue trop la police. C'est partout, c'est pour ça que tu parano en venant te voir. J'ai pris des précautions avant d'arriver au rencard. Ouais. Comme je l'ai dit, les 200 téléphones sont là. Tu m'as parlé de 10 litres de seum et moi ça me va. Okay. Parce que le commercial chez moi, ils aiment pas. Donc frérot, regarde l'échantillon, si c'est bon, on y va. Au fait, est-ce que tu connais ce mec dans la Laguna? J'ai l'impression que sur l'autoroute, il était déjà derrière. Moi, je prends l'illicite, sale Schmitt. Viens nous sucer la bite pendant que j'ai frite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Et pourquoi est important pour ceux qui touchent à nos trafics? Moi, je prends l'illicite, sale Schmitt. Viens nous sucer la bite pendant que j'ai frite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Et pourquoi est important pour ceux qui touchent à nos trafics? Vous préparez le ballon, un frelon. Jette-moi les gants du balcon, car faut pas laisser d'empreintes sur le pilon. Ouais, tu connais le dicton. Fiston, c'est triste, non? Au bout de l'horizon, chez nous, y'a la prison. Et cadeau, il faut un camtar. Ce soir, on se barre à la Courneuve. J'ai alibi à voir pour charger 200 fontaines mortelles. Putain, faut pas que les Schmitt nous interpellent. Salut la dinde, j'ai besoin de tes services. La média préparée et portable, fais vite. Pas de démission, t'auras ta commission. Tu sais bien que je paye à la fin de chaque mission. Vas-y, assure, c'est pas le mytho. Avec L.I.M, les transactions sont toujours réglo. Vas-y, appelle l'ascenseur, on monte. Le raid tourne, imbécile, t'as pas regardé ta montre. Moi, je prends l'illicite, sale Schmitt. Viens nous sucer la bite pendant que j'ai frite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Et pourquoi est-on pourtant pour ceux qui touchent à nos trafics? Moi, je prends l'illicite, sale Schmitt. Viens nous sucer la bite pendant que j'ai frite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Et pourquoi est-on pourtant pour ceux qui touchent à nos trafics? Salam alaikum, Montana. Ça sent la tête pas, depuis ce parrain, je vois la loucha. Et comme dirait Chacha, quand c'est comme ça, mieux vaut rester chez soi, car souvent ça déçoit. Putain, mais ce mec, on dirait que je suis de la dernière fois. Me fais des films où je deviens trop parano, je sais pas. On m'a toujours dit, un homme averti en vaut deux. On sait ce qu'on veut, alibi, ouais, le CSP c'est dangereux. J'ai mon calibre planqué dans mes couilles. Je le sors si jamais je vois la gueule d'une patrouille. En cas d'embrouille, on fera parler les douilles. Car pour un crouille, un nègre, c'est dur de passer à la fouille. Ok, vas-y, tiens tes boîtes. Moi, je prends le sac, les bons comptes pour les bons amis. L.I.M, on est d'axe. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ce drôle de pressentiment. Regarde à droite, moi je vais jeter un œil dans le bâtiment. Go. Putain, sa mère. Allez, on y va, t'as on y va. Plus connard, touche plus. Tire, bâtard. Son cul. Putain, ils sont armés. Moi je prends l'illicite, sale Schmitt. Viens nous sucer la bite pendant que j'ai frite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Et pourquoi est-on pourtant pour ceux qui touchent à nos trafics? Moi je prends l'illicite, sale Schmitt. Viens nous sucer la bite pendant que j'ai frite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite. Et pourquoi est-on pourtant pour ceux qui touchent à nos trafics?